la pression. On fait monter la pression. C'est pour la nation. C'est pour la taille. C'est Coco et Nandi. On est dans l'OG. Eux c'est des maudits. Nous c'est des flocons. Nous c'est les OG. Ok. Sera comme coach Antienne Audi. On est à deux Madrid. On arrive en foule à Yabusa. C'est bizarre. Tous armés comme des Yabusa. J'suis mal carré, les SUV. Palaise comme baleine. Sur tes nez, cramé sur les champs. Toi qui peux te permettre, toi à l'aise. Nous c'est la cahier. Tiens, goûte un échant. Ils sont pas chauds quand ça part en couille. Comment y'a pas de marche arrière, on est méchant. Ils sont pas chauds quand ça part en couille. Comment y'a pas de marche arrière, on est méchant. Elle veut un raclo qui fait d'espèce. J'suis dans le carré, j'prends tout l'espace. C'est 9-3, c'est pas les steaks. Gilou, American Express. Le Hazy, le réseau, la moula. J'suis dedans, Ferrari, roule en bas. J'ai la brume, la de blanc. T'en fous là, j'suis chargé. J'pas devant les paroles. J'ai rien vu n'a hébité. Un de l'aise c'est Sarajevo.